pression d'une envie de réussite. J'évite les coups du sort et méprise la fuite. Si un jour je m'en sors, je le devrais qu'à moi-même. Si je suis de plus en plus fort, c'est le travail qui m'y amène. Tout travail mérite salaire et j'ai jamais vu une thune. Je serai jamais milliardaire et moi ma vraie seule fortune, c'est mes œuvres, mes cèdes, mes heures, mes textes, mes peurs, ma fresque, mes torts, mes frères, mes morts, sa mère, la rue et son décor, dépourvu de remords. Juste un dernier regard, je veux vivre ma vie sans jamais dire c'est trop tard. Il reste toujours quelque chose à faire pour attraper un écart. Je veux vivre ma vie et pas certains bâtards. Par A plus B on réussit y accéder, j'en ai envie à n'importe quel prix, à n'importe quelle heure. Je prie mon Dieu pour mes frères et sœurs dans le désarroi près de la mort, la zombie et la peur. Combien ont compris leurs erreurs quand il était trop tard? Combien sont en zombie et pleurent dans les parloirs? Combien d'âmes ont souri à la mort dans le noir? J'oublie pas mes amis et crois en l'espoir d'une vie meilleure. Crois en l'espoir d'une vie meilleure. Faut y croire, pour ma part, circuler y'a rien à voir. Seulement le pire à concevoir, pour s'en sortir indemne. Juste à écouter, j'éclate ma haine. Juste à écouter, ouais, j'éclate ma haine. Quand il est trop tard, et qu'il n'y a plus rien à faire. Juste un dernier regard, et c'est l'envie qui se perd. Si je vis dans le noir, dirige-toi vers la lumière. J'ai juste envie de croire, que de moi tu seras fier. J'ai juste envie de voir, un avenir pour mes frères, ouais. Quand il est trop tard, et qu'il n'y a plus rien à faire. Juste un dernier regard, et c'est l'envie qui se perd. Si je vis dans le noir, dirige-toi vers la lumière. J'ai juste envie de croire, que de moi tu seras fier. J'ai juste envie de voir, un avenir pour mes frères. Trop souvent déçu, on vit décemment. Perçu comme perdant, conçu comme déchet. Rebut de la société, une vue de te plus sur un trottoir mal famé. La rue a vu grandir que des affamés, tramés dans le noir à l'écart des regards des condés. Le soir il faut en avoir pour faire son bise. On veut voir grandir la liasse et éviter la prise. On trinque une pensée pour ceux qui sont en prison. Courrier, cantine, maton et promenade. Le maton te guette, on regrette mais c'est trop tard, seul l'esprit s'évade. On choisit pas de se voir partir pour des années. On vit dans la rue pour le meilleur et pour le pire. Pour les casses qui vont réussir, pour les potes qui vont mourir. Tant pis, je sais c'est dur mais c'est pas de ma faute. C'est pas un groupe de fées, ici les fées sont des putes. Elles comptent ce qu'elles ont fait. Ce que je te raconte te fout la trouille. Et pour les couilles laisse faire sa mère comme Reddy Juice. Je préfère que le flingue grouille et éviter le sifflement des balles. J'ai trouvé ma voie, espère changer la vôtre. On a tous le choix quand le destin frappe à votre porte. Je me suis donné le droit de claquer la porte. Je sais bien qu'au fond de moi des morts il y en aura d'autres. Des morts il y en aura d'autres. Un peu d'ice tea de vodka et moi je trinque à la vôtre. Un peu d'ice tea de vodka et moi je trinque à la vôtre, ouais. Quand il est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Juste un dernier regard et c'est l'envie qui se perd. Si je vis dans le noir, dirige-toi vers la lumière. J'ai juste envie de croire que de moi tu seras fier. J'ai juste envie de voir un avenir pour mes frères. Quand il est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Juste un dernier regard et c'est l'envie qui se perd. Si je vis dans le noir, dirige-toi vers la lumière. J'ai juste envie de croire que de moi tu seras fier. J'ai juste envie de voir un avenir pour mes frères. Quand il est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Juste un dernier regard et c'est l'envie qui se perd. Si je vis dans le noir, dirige-toi vers la lumière. J'ai juste envie de croire que de moi tu seras fier. J'ai juste envie de voir un avenir pour mes frères. Quand il est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Juste un dernier regard et c'est l'envie qui se perd. Si je vis dans le noir, dirige-toi vers la lumière. J'ai juste envie de croire que de moi tu seras fier. J'ai juste envie de voir un avenir pour mes